19.5, activation. Discrimination auditive. Leçon R. Vous allez entendre 12 énoncés. Certains contiennent le son R, d'autres pas. Pour chaque énoncé, indiquez s'il contient le son R ou pas en cochant la case appropriée. 1. Les intellos me fatiguent. 2. Les interros me fatiguent. 3. Je l'ai vu au bar. 4. Je l'ai vu au bal. 5. Ce n'est pas rond. 6. Ce n'est pas long. 7. Je l'ai vu à l'aller. 8. Je l'ai vu à l'arrêt. 9. Il fait de l'engrais. 10. Il fait de l'anglais. 11. Le flanc tient bon. 12. Le franc tient bon.